Cette chrétienne qui savait si bien juger du néant des choses humaines et qui croyait avec une si ferme confiance que rien de mal ne peut arriver à la créature, qui voit en tout la volonté d'un Dieu paternel, cette chrétienne avait cependant redouté la mort. « Je trouve la mort si terrible, écrivait-elle, que je hais plus la vie, parce qu'elle m'y mène que par les épines dont elle est semée. » Mais les solides lectures dont Madame de Sévigné se nourrissait, les enseignements religieux qu'elle s'appliquait de plus en plus, affermirent son âme, et elle mourut avec le courage chrétien. Elle acheva sa vie auprès de ce qu'elle avait de plus cher au monde, cette fille bien-aimée, qui fut l'occasion de sa gloire littéraire. Ce n'est pas sans tristesse que nous voyons disparaître la noble et charmante femme. En nous initiant à ses sentiments, à ses occupations, elle nous fait vivre de sa propre vie, et lorsqu'elle nous quitte, il nous semble qu'elle emporte quelque chose de notre propre vie. Si une exquise civilisation a seule pu produire Madame de Sévigné, l'illustre épistolière a bien rendu à la société ce qu'elle lui devait. C'est sur les femmes principalement qu'elle a exercé une grande influence. Sans doute elle ne pouvait leur léguer ce génie naturel, qui donne à ses lettres le trait profond et juste de la pensée, la grâce piquante et le tour inimitable de l'expression. Mais elles ont appris, de ce merveilleux modèle, que le secret de l'art épistolaire est de laisser parler avec naturel et simplicité un cœur aimant, un esprit solidement et délicatement cultivé. Avec moins d'abandon, Madame de Maintenon donne aux femmes un enseignement analogue. Nous l'avons vu dans le chapitre où l'éducation de Saint-Cyr nous a longuement occupés. La solidité est plus apparente dans les lettres de Madame de Maintenon que dans celles de Madame de Sévigné. Aussi l'esprit pratique de Napoléon Ier accordait-il aux premières la préférence qu'une viande substantielle lui paraissait devoir mériter sur un plat d'œuf à la neige. J'avoue humblement que malgré ma sympathique admiration pour la fondatrice de Saint-Cyr, et en dépit même des réserves que j'ai faites en parlant de Madame de Sévigné, celle-ci a toute ma prédilection, et que je ne sais me dérober à ce charme fascinateur qu'elle exerce comme Marguerite d'Angoulême, la vivacité de l'esprit français unie à la sensibilité d'un cœur de femme. Au point de vue littéraire, c'est faire une lourde chute que de quitter le style gracieux, ailé de Madame de Sévigné, pour la prose massive de Madame d'Acier. Le nom de cette dernière ne saurait cependant être omis dans un chapitre consacré à l'influence intellectuelle de la femme. Par ses publications et ses traductions d'auteurs anciens, elle a rendu de réels services aux lettres françaises. Quels que soient les défauts de son style, son manque de goût, la fausse élégance qu'elle prête parfois à Homère, ou l'allure bourgeoise par laquelle elle traduit l'inimitable naïveté du poète, quelle que soit aussi la violence de la polémique qu'elle soutint pour le défendre, elle contribua puissamment à remettre en honneur les antiques modèles du beau et sa version de l'Iliade et de l'Odyssée. La meilleure qui eût paru jusqu'alors est demeurée populaire. Malheureusement, elle voulut se montrer trop virile, et en pareil cas la femme perd sa grâce native, sans acquérir la force de l'homme. Les femmes du XVIIe siècle laissèrent leur empreinte non seulement sur les lettres, mais aussi sur les arts. Nous avons dit la protection éclairée qu'au XVIIe siècle, de grandes dames, des princesses, des reines, accordèrent à la peinture, à la sculpture, à l'architecture, aux arts industriels. Des femmes appartenant pour la plupart aux familles de peintres éminents, honorèrent par leurs propres travaux les noms qu'elles portaient. Telles furent Madame Restoux, née Madeleine Jouvenet, sœur et élève de Jean Jouvenet, et les deux sœurs des frères Boulogne, Geneviève et Madeleine qui, toutes deux, furent reçues à l'Académie royale de peinture et de sculpture. C'est un fait touchant que celui de ces sœurs s'unissant à leurs frères dans le culte de l'art. Au XVIIIe siècle, plusieurs femmes appartinrent aussi à l'Académie de peinture et de sculpture. L'une d'elles était la femme et l'élève d'un peintre renommé, Vienne. Une autre est demeurée célèbre par ses portraits. C'est Madame Viguet Lebrun. La marquise de Pompadour se fit remarquer comme graveur. Protectrice des arts, elle encouragea naturellement le voluptueux pinceau de Boucher. Il y a loin de cette influence à celle de la duchesse d'Aiguillon, protégeant le noble et religieux génie des Lesueurs et des Poussins. C'est toute la différence du XVIIe siècle au XVIIIe. Avec l'art, nous sommes entrés dans le XVIIIe siècle. C'est par les salons que se font désormais les renommées littéraires, et plusieurs des femmes qui président à ces cercles y brillent par leur mérite personnel. Toute déconsidérée qu'elle fût, Madame de Tencin réunissait autour d'elle des hommes d'esprit et de talent, qu'elle appelait irrévérencieusement ses bêtes. C'était Montesquieu, Fontenelle. Chose étrange, Madame de Tencin, l'une des femmes qui concoururent le plus effrontément à la corruption de la Régence, a laissé des romans où ses mœurs sont bien loin de se refléter. Le libertinage de sa vie contraste avec les sentiments ingénus et délicats qui respirent dans son chef-d'œuvre, les Mémoires du comte de Comminges. Le plus beau titre littéraire des femmes dans le XVIIIe siècle, a dit Villemain. Les assises du bel esprit se tenaient aussi à Sceaux, chez la duchesse du Maine. À sa cour apparaissaient Voltaire, Fontenelle, Chaulieu, Lamotte, puis des femmes distinguées, qui devaient avoir un nom ou une influence littéraire, Mademoiselle de Launay et deux grandes dames qui tinrent des salons renommés, la marquise de Lambert, la marquise du Deffand. Les mémoires de Mademoiselle de Launay, a dit M. Villemain, sont curieux à plus d'un titre, et surtout parce qu'ils marquent une époque de la langue et du goût, un certain art de simplicité mêlé de finesse, d'élégance discrète et de bienséance ingénieuse. C'était le ton de la cour de Sceaux. C'était le style net et fin qui plaît dans la motte, auquel Fontenelle ajouta de nouvelles grâces, que Méran, Madame de Lambert, Maupertuis employèrent avec goût, que Montesquieu mêla parfois à son génie, et dont quelques nuances se retrouvent dans la concision piquante de Duclos et dans la subtilité prétentieuse de Marivaux. Sous la plume de Mademoiselle de Launay, ce style est à son point de perfection, poli, enjoué, facile, et parfois, lorsque son cœur est engagé dans ce qu'elle raconte, vif et coloré, en dépit de la modestie de l'expression. Malheureusement, le souffle des plus amères déceptions avait desséché le cœur de Mademoiselle de Launay, sans que ce pauvre cœur pût se retremper à la source de ses consolations religieuses, qu'elle était loin pourtant de méconnaître. Ses mémoires ne laissent dans l'âme du lecteur qu'une sensation de vide et de découragement. Bien différente est l'impression que produisent les écrits de la marquise de Lambert, à qui M. Villemain reconnaît un style de même race que celui de Mademoiselle de Launay. On sent que, disciple de Fénelon, elle a passé une partie de sa vie dans le XVIIe siècle, et la pensée chrétienne donne à ses écrits l'élévation morale et la douce chaleur du sentiment. Moraliste aimable, elle n'avait écrit que pour ses enfants, et ce fut malgré elle que ses œuvres furent livrées à la publicité. Ne nous en plaignons pas. Nous qui avons respiré dans ces pages esquises les plus généreux sentiments d'honneur chevaleresque, de pureté morale, de tendresse contenue. J'ai cité plus haut les avis que Madame de Lambert donna à son fils et à sa fille. Comme Cicéron, elle écrivit un traité sur l'amitié, un autre sur la vieillesse. On lui doit aussi des réflexions sur les femmes et d'autres opuscules. Si les limites de mon ouvrage me le permettaient, je citerais plus d'une page du traité de l'amitié. Peut-être même ces pages qui expriment sous une forme plus délicate et plus châtiée des pensées analogues à celles que j'ai empruntées à Madame de Sablé. Aurait-elle plus mérité que les maximes de cette dernière, une citation spéciale dans mon étude? Mais en accordant cette place aux réflexions de Madame de Sablé, je ne pouvais oublier qu'elle a en quelque sorte créé la littérature des maximes. Le marquis d'Argenson a rendu un digne hommage à Madame de Lambert, à son caractère, à l'influence qu'elle exerça, et qui fit de son salon le seuil de l'Académie française. Ce salon était encore un héritage du XVIIe siècle, par les goûts littéraires de la marquise, par ses croyances religieuses, et même par le précieux dont elle aurait gardé quelques restes, s'il faut en croire, non ses écrits parfaitement naturels, mais le témoignage de son ami le marquis d'Argenson. Les salons qui devaient succéder à ce cercle ont un autre caractère, et sont bien du XVIIIe siècle. Foncièrement ignorantes de tout, les femmes du XVIIIe siècle parlent de tout, raisonnent ou déraisonnent sur tout, mais toujours avec cette grâce piquante qui distingue la conversation du XVIIIe siècle. Ce qui domine alors, c'est le trait d'esprit, c'est le brillant, vrai ou faux, peu importe, pourvu que le strass miroite. Au milieu de tout ce clinquant et de tout ce cliquetis de paroles, le marquis d'Argenson regrettait la causerie grave et noble de l'hôtel de Rambouillet. Cette causerie dont le salon de Madame de Lambert lui apportait sans doute un dernier écho. Cependant, quelle que soit sa nouvelle allure, rapide et brillante, la causerie a plus que jamais les caractères distinctifs de l'esprit français, la clarté, la précision. Il est salon qui seul, comme je le rappelais plus haut, donne la célébrité aux œuvres de l'intelligence, les salons demandent aux savants, comme aux littérateurs, que dans ses écrits même, ils parlent leur langue. Dépouillant l'appareil doctrinal, la science se fait aimable pour se présenter aux belles dames. Point de livre alors, dit M. Taine, qui ne soit écrit pour des gens du monde et même pour des femmes du monde. Dans les entretiens de Fontenelle sur la pluralité des mondes, le personnage central est une marquise. Voltaire, qui a dédié Alzire à Madame du Châtelet, écrit pour elle la métaphysique et l'essai sur les mœurs. C'est pour Madame d'Épinay que Rousseau compose l'Émile. Condillac écrit le traité des sensations, d'après les idées de Mademoiselle Ferrand, et donne aux jeunes filles des conseils sur la manière de lire sa logique. Baudot adresse et explique à une dame son tableau économique. Le plus profond des écrits de Diderot est une conversation de Mademoiselle de Lespinasse avec D'Alembert et Bordeaux. Au milieu de son esprit des lois, Montesquieu avait placé une invocation aux muses. Presque tous les ouvrages sortent d'un salon, et c'est toujours un salon qui, avant le public, en a les prémices. Les femmes trouveront-elles dans le courant scientifique qui les enveloppe l'instruction que ne leur a pas donnée leur première éducation? Non. Les connaissances qu'elles acquièrent dans le commerce superficiel du monde, et qui manquent de base, ces connaissances faussent plus leur jugement qu'elles ne le fortifient. Les femmes n'auront guère ajouté que la pédanterie à l'ignorance. Nous trouverons cependant des exceptions. L'une nous sera donnée par le monde des salons, dans la personne de Madame du Châtelet, qui écrit les institutions de physique, l'analyse de la philosophie de Leibniz, et qui traduit les principes de Newton. Nous rencontrerons encore un autre exemple de vaillant labeur intellectuel, bien loin des salons parisiens, au fond d'une province, dans ce château vendéen, où une jeune fille, Mademoiselle de Lézardière, s'imposait une tâche écrasante, la théorie des lois politiques de la monarchie française. M. Augustin Thierry lui a reproché d'avoir nié l'influence romaine dans la monarchie franque et d'avoir groupé, d'après les besoins de sa thèse, les vieux monuments législatifs qu'elle cite. Mais il ne peut s'empêcher d'admirer dans l'œuvre de Mademoiselle de Lézardière l'enchaînement des idées, le soin avec lequel les documents les plus arides ont été compulsés, la sagacité que l'auteur apporte souvent pour traiter des questions ardues. M. Augustin Thierry avoue que si la Révolution n'avait pas entravé la publication de ce livre, il eût pu faire secte. Les femmes du XVIIIe siècle embrassent avec ardeur les principes de la philosophie nouvelle, triste philosophie qui, en sapant toutes les croyances, allait amener l'effondrement social de notre pays. Les femmes rivalisent avec les hommes pour monter à l'assaut des vérités religieuses. Elles font gloire de leur athéisme. L'une traite Voltaire de bigot parce qu'il est déiste. Madame Geoffrin, femme peu instruite mais riche vaniteuse, donne de célèbres soupers philosophiques, grâce auxquels elle devient pendant 40 ans une manière de dictateur de l'esprit des talents, du mérite et de la bonne compagnie. Les encyclopédistes qui se réunissent chez elle se retrouvent aussi chez Mademoiselle de Lespinasse, cette brillante transfuge du salon de Madame du Deffand. En dépit de sa liaison avec Voltaire, la marquise du Deffand a de l'antipathie pour les philosophes, mais elle n'a pas respiré en vain le souffle d'incrédulité qui émane de leur doctrine. Elle voudrait croire, elle ne le peut, aussi bien que son salon du couvent de Saint-Joseph, actuellement le ministère de la guerre, marquis de Saint-Aulaire, fut l'un des plus aristocratiques et des plus spirituels de Paris. Bien que vieille et aveugle, elle fit de sa vie une fête perpétuelle. L'ennui est au fond de son âme, ennui mortel, incurable, que laissent à leur place les croyances disparues. Elle le caractérisait, cet ennui, par l'un de ses traits profonds qui distinguent sa correspondance. La société présente est un commerce d'ennui. On le donne, on le reçoit. Ainsi se passe la vie. Elle écrivait cela à la duchesse de Choiseul, l'amie et la protectrice de l'abbé Barthélemy, la femme ravissante que nous avait fait connaître les témoignages enthousiastes de ses contemporains, et que nous révèlent mieux encore ses lettres remplies de vivacité et de charmes sympathiques. Elle aussi, cependant, la noble et généreuse femme, elle cherchait ailleurs que dans le christianisme le principe de sa tendre charité. Tout en détestant Rousseau, elle n'avait d'autre religion que la profession de foi du vicaire savoyard. Rousseau, qui avait soulevé parmi les femmes un ardent enthousiasme, dut perdre plus d'une admiratrice par ses confessions. Plus d'une, en effet, devait partager le sentiment de la comtesse de Boufflers, écrivant à Gustave III. « Je charge, quoique avec répugnance, le baron de Sederliem. de vous porter un livre qui vient de paraître. Ce sont les infâmes mémoires de Rousseau, intitulées Confessions. Il me paraît que ce peut être celle d'un valet de basse-cour, au-dessous même de cet état, maussade en tout point, lunatique et vicieux de la manière la plus dégoûtante. Je ne reviens pas du culte que je lui ai rendu, car c'en était un. Je ne me consolerai pas qu'il en ait coûté la vie à l'illustre David Hume, qui, pour me complaire, se chargea de conduire en Angleterre cet animal immonde. Plût à Dieu que toutes les femmes eussent partagé ici l'indignation de Madame de Boufflers, et que les confessions de Rousseau n'eussent point enfanté les mémoires particuliers de Madame Roland. Contraste bizarre. La légère comtesse de Boufflers s'indigne du cynisme des confessions, et l'honnête Madame Roland imite ce cynisme dans ses mémoires où l'enthousiasme qui porte à faux l'esprit d'utopie, la déclamation, la prose théâtrale, sont bien aussi de l'école de Rousseau, et font regretter que Madame Roland ne se soit pas plus souvent montrée elle-même dans les fraîches et douces inspirations qui échappent parfois de son cœur et de sa plume. L'influence de Rousseau avait été immense sur les femmes. Il avait fait succéder à l'esprit de sarcasme et de dénigrement la sensiblerie et l'enthousiasme. Nous avons vu la sensiblerie à l'œuvre dans l'éducation des jeunes filles. Elle se traduit jusque dans la parure et produit la robe à la Jean-Jacques Rousseau, le pouf au sentiment. Elle précise à toutes les actions de la vie et a particulièrement son emploi dans les salons littéraires. En écoutant Trissotin, les fausses précieuses du XVIIe siècle disaient qu'elle se pâmait d'aise. Les femmes sentimentales du XVIIIe siècle font mieux que de le dire en entendant un auteur lire sa pièce. Elles se pâment réellement. Les sanglots, les syncopes, tels sont leurs applaudissements. En mettant à la mode l'enthousiasme et les larmes d'admiration, Rousseau préparait, sans qu'il s'en doutât, le triomphe de Voltaire. Il est d'usage surtout pour les jeunes femmes de s'émouvoir, de pâlir, de s'attendrir, et même en général de se trouver mal en apercevant M. de Voltaire. On se précipite dans ses bras, on balbutie, on pleure, on est dans un trouble qui ressemble à l'amour le plus passionné. Faut-il rappeler ici qu'au retour de Voltaire, des femmes françaises participèrent à l'ovation indescriptible qui lui fut faite, et où vibra ce cri antinational « Vive l'auteur de la pucelle !» N'envelons pas, toutefois, dans la même réprobation, tous les élans d'enthousiasme qui se produisirent dans les dernières années de l'Ancien Régime. Il y eut alors au sein de la vieille noblesse française de généreux tressaillements. Longtemps comprimés par le scepticisme, les bons instincts de la nature humaine cherchaient à réagir. Les théories humanitaires circulaient. Les femmes s'enfuirent les éloquents interprètes et les propagèrent à l'étranger, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Si tant de nobles élans devaient demeurer stériles, c'est qu'en général ils ne cherchaient pas dans l'Évangile l'inspiration et la règle. En vain croit-on travailler au bonheur des peuples quand on y travaille sans Dieu ou contre Dieu. Si le Seigneur ne bâtit lui-même la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent. Telles sont les belles théories philanthropiques du XVIIIe siècle, allaient aboutir aux pages sanglantes de la Terreur. La pensée religieuse, sinon toujours la foi, vivait cependant encore dans quelques-uns de ces cœurs qui battaient pour la liberté. Je me plais à nommer ici une femme qui rappela dans ses œuvres immortelles que l'homme ne peut se passer de Dieu et du culte qu'il doit lui rendre. Née protestante mais catholique d'instinct, les religieuses traditions que l'on gardait dans sa famille prémunirent Madame de Staël contre les dangereuses doctrines qu'elle rencontrait chez les autres, que réunissait le célèbre salon de sa mère, la pieuse et charitable Madame Necker. Si, comme les femmes de son temps, Madame de Staël admira Rousseau, du moins le déisme du vicaire savoyard ne lui suffisait pas. Et bien que son ardente imagination s'élança au-delà des limites que le dogme prescrit, son cœur aimant et souffrant sentait le besoin de la foi qui soutient et console. Fervente disciple d'un père qu'elle adorait, elle aima, comme Necker, la liberté qui crut la voir apparaître à l'ouverture des États généraux. Lorsque cette liberté fut devenue la plus odieuse des tyrannies, Madame de Staël, dans un magnifique élan, prit la défense de la reine, qui allait consommer son martyr sur l'échafaud. Malgré de cruelles déceptions, la liberté fut toujours, pour Madame de Staël, l'arme de son génie, merveilleux génie qui excella dans l'observation de la vie sociale. Cette liberté, Madame de Staël la voulait non seulement pour les peuples, mais pour les lettres. la littérature française lui paraissait alors emprisonnée dans le cercle d'une tradition qui devenait de plus en plus étroite. Elle lui ouvrit les larges horizons des littératures germaniques, pour que le génie national pût leur demander ce qui s'appropriait le mieux à son essence. Ici, Madame de Sales n'appartient plus au XVIIIe siècle, mais je n'ai pas voulu quitter cette époque sans y saluer dans l'aurore de son génie la plus grande des femmes qui ont tenu en France le sceptre de l'intelligence.